journée de la formation professionnelle. Monica Fernandes, 18 ans, apprentie laborantine en troisième année à l'université, est avec nous à cet instant sur Radio FR. Bonjour Monica. Bonjour Didier. Alors, cet apprentissage de laborantine, pourquoi ce choix ? Bien, en fait, c'est que j'ai trouvé que la science, ça me plaisait beaucoup. Mmh. Et puis du coup, je voulais trouver un métier dans ce domaine-là. J'ai fait des stages et tout, et puis j'ai trouvé que l'apprentissage, ça me plaisait bien. On dit que l'apprentissage de laborantine est plutôt difficile. Est-ce le cas ? Oui, c'est que c'est très technique. Ouais. Mais passionnant, je présume aussi. Oui, très passionnant, oui. Alors, est-ce qu'il y a différentes orientations dans ce métier ? Oui, c'est qu'après, on peut spécialiser dans le médical en faisant des études supérieures. On peut aussi faire des écoles pour avoir plus de responsabilités dans le labo ou sinon rester simple laborantin en tant que recherche médicale ou autre. Et quel est ton objectif ? Moi, je vais rester plutôt simple. Je finis mon CFC. Pour le moment ? Ouais, pour le moment, d'accord. Oui. Je finis mon CFC et puis après, peut-être faire des autres écoles en dessus, mais pour l'instant, c'est ça. Et pourquoi avoir préféré l'apprentissage alors que tu aurais pu opter pour des études ? En fait, les études, ça ne me plaît pas beaucoup. Du coup, moi, je voulais vraiment avoir de l'expérience au niveau du métier, de travailler. Et puis du coup, c'est pour ça que j'ai choisi l'apprentissage. Ouais. Alors, est-ce que le travail de laborantine, comme tu le pratiques, correspond à ce que tu imaginais avant l'apprentissage ? Est-ce que c'était l'idée que tu t'en faisais ? Pas trop, parce que moi, j'ai fait des stages plutôt en médical. Et puis moi, je suis en recherche, c'est quand même assez différent. Mais pas déçu pour autant ? Non, pas déçu du tout, non. Qu'est-ce qui t'a décidé de te diriger dans cette voie, de faire ce choix ? C'est justement à cause des stages. C'était un peu le plus simple dans le domaine de la science, du coup, j'ai choisi ça. Donc tu pourrais conseiller à celles et ceux qui hésitent à une formation ou un métier, de faire un stage, c'est une bonne possibilité. Oui, il faut faire des stages pour voir vraiment si ça nous plaît ou pas, et puis après, il faut se décider. Est-ce qu'il a été difficile de trouver justement alors cette place d'apprentissage en tant que laborantine ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes comme toi qui parfois ont de la peine à trouver une place, d'autant plus la première place, le premier apprentissage, le premier job. Pour moi, ça a été assez simple de trouver une place, mais c'est vrai que oui, c'est quand même assez difficile, oui. Et comment ça s'est passé, non ? Moi, c'est que j'ai envoyé deux lettres de motivation et puis il y en a une des deux qui m'a acceptée. Donc, c'était assez rapide alors. Oui. Tu as eu beaucoup de chance. Oui. Et justement, dans cet apprentissage de laborantine, on n'en a pas encore parlé, mais il y a des cours à l'école professionnelle et des cours inter-entreprises. Qu'est-ce qu'on apprend dans l'un et dans l'autre ? Eh bien, c'est que dans les cours, dans l'école professionnelle, c'est vraiment sur tout le métier. Et puis, les cours inter-entreprises, c'est spécifique d'une branche. Et des cours qui te plaisent, alors ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas Dans les cours, oui. Ou dans le métier ? La pratique, non. La pratique, je suis assez satisfaite de ce que je fais. Mais les cours, il y a deux, trois branches que j'ai un peu plus de mal. D'accord. Comme par exemple ? La physique. La physique, c'est très... Pointu. Ouais. D'accord. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes des CO qui songeraient, pourquoi pas, à faire laborantine, laborantin comme toi ? Faudrait faire des écoles avant de faire l'apprentissage. Parce que moi, j'ai sorti de l'école obligatoire, j'ai directement fait l'apprentissage et puis c'est très difficile. Alors que les autres qui ont fait des écoles avant, ça va mieux. Ils ont plus de facilité. Et comment est-ce que tu imagines ton avenir professionnel après ce CFC, justement, dont on te souhaite d'obtenir celui-ci sous peu ? Merci. En fait, c'est que moi, je pense directement commencer à travailler. Et puis ensuite, je réfléchis si je veux faire des écoles supérieures ou pas. Donc là, tu aurais la possibilité déjà à cet instant de pouvoir travailler là où tu es ou bien tu vas devoir aller ailleurs ? Vu que je suis à l'Uni, je dois trouver des autres places ailleurs. Parce que c'est très limité niveau place là-bas. Et puis, c'est toujours mieux, de toute façon, d'aller voir dans des autres labos pour des techniques. Quoi. Donc là, tu es déjà en recherche alors, d'une autre entreprise. Alors. Oui. D'accord, très bien. Merci, Monica. Mais merci à vous. Monica Fernandes, 18 ans, apprentie laborantine en troisième année à l'université. Une belle journée.